Examen 5. Compréhension de l'oral. Exercice 3. Situation 0. Chers téléspectateurs, nous allons maintenant effectuer le tirage du loto. Situation 1. Oh, regarde l'éléphant! Il est en train de manger les cacahuètes du petit garçon. Situation 2. C'est la première fois que tu fais du cheval? Oui, mais c'est pas facile. Situation 3. On a sonné, non? Oui, c'est le facteur. Il apporte un paquet. Situation 4. C'est bon ici. Tu as raison. Pierre a vraiment de bonnes adresses de restaurants.